franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. À Belgans. Jacques Chancel. Sans vous, le cinéma ne serait pas ce qu'il est, et nous sommes nombreux à croire que votre nom l'aura grandi. De vous, à Belgans, on a dit parfois, c'est un visionnaire. Vous étiez seulement à l'avance sur votre temps. Un cinéaste, mais aussi un inventeur. Vous avez toujours vu haut et grand. Vous avez utilisé toutes les possibilités du cinéma. Et vous avez consacré votre vie à cet art. On ne vous a pas toujours compris, mais on répète, à Belgans, c'est un monument. Pour dessiner votre portrait, j'emprunte cette phrase qui vous va bien. Abel Gans a les cheveux blancs du savant et les yeux doux de l'humaniste. Alors, cinéaste, savant, humaniste, ou peut-être plus encore philosophe, Abel Gans? Je crois que le mot « un homme » tout simplement suffit, à condition de l'être aussi complètement que possible. Je n'ai pas la prétention de vouloir être en tête de quoi que ce soit, pas plus du cinéma que de toute forme de littérature. Seulement, j'ai de toute ma vie fait des efforts pour trouver des lettres nouvelles, et surtout dans le cinéma, des lettres nouvelles de cet alphabet qui maintenant n'en est peut-être qu'à la troisième ou quatrième lettre, à vrai dire, qui n'est pas, à mon avis, encore ce qu'il sera dans 10 ou 15 ans. La véritable écriture, la véritable, je dirais presque, bible civile de l'humanité. Le cinéma, pour moi, c'est une magie tellement puissante que je comprendrais très bien qu'on fasse comme quand on entre dans les mosquées, qu'on enlève presque ses chaussures si on avait fait le cinéma à la mesure de ce qu'il sera. Malheureusement, le cinéma est devenu un instrument pour le commerce, je dirais presque le commerce normal. On fait du cinéma comme on vend de n'importe quoi, enfin c'est un métier comme un autre. Et je trouve que là, il y a une espèce de sacrilège contre cet art extraordinaire. Par conséquent, moi-même, je ne fais pas encore du cinéma. J'essaie, je balbutie, je suis à sa porte. C'est drôle d'entendre dire ça des lèvres d'Abel Gans. C'est la vérité, parce que malheureusement, mon âge ne me permet guère d'avoir une ouverture complète sur l'avenir de ce que je souhaite qu'il soit. Mais en tout cas, je peux dire que aujourd'hui, où j'aurai 81 ans dans quelques jours, je comprends seulement que j'ai en quelque sorte manqué ma vie en faisant la plupart du temps de la prostitution, non pas pour vivre, mais pour ne pas mourir, ce qui est une nuance. Abel Gans, vous dites, le cinéma n'est qu'au quart de sa magie. Oui, je suis sûr. Il y a encore trois quarts à exploiter. Oui, parce que, à mon avis, d'ailleurs, regardez cette chose étrange qui se produit. l'image en elle-même est tellement puissante qu'elle a envahi, et j'en suis enchanté, tous les foyers du monde avec la télévision et les salles de cinéma. Malheureusement, les milliards d'images qui sont tous les jours, que nous devons digérer tous les jours, arrivent à s'abîmer les unes les autres, à faire une sorte de magma qui ne sort plus, qui ne permet plus de voir les belles choses. C'est-à-dire, elles sont perdues dans l'ensemble de tout ce qui est fait quotidiennement, la plupart du temps dans un but vénal. Et moi-même, j'aurais pu faire certainement de grandes œuvres, mais j'ai toujours hésité d'abord parce que, avant tout, les moyens en France sont très limités, et en second lieu parce que j'estime que l'état d'esprit de la foule, en général, n'est pas prêt à regarder les œuvres cinématographiques telles que je les envisage. Il faut une lente marche en avant, il faut un chemin de croix du public, en quelque sorte, pour que petit à petit il se rende compte qu'il a devant lui un des plus extraordinaires instruments d'art et de puissance que le monde ait connu et qui dépasse, à mon avis, l'imprimerie. Abel Gans, vous me semblez un peu peiné par ce que l'on fait au cinéma aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je crois que je ne suis pas le seul à l'être et que beaucoup de mes camarades, enfin, qui ont... je l'estime beaucoup de talent, sont attristés et mélancoliques de ne pouvoir ouvrir leurs ailes, si on peut dire, qui sont réduits, comme je l'ai été pendant tant d'années, à faire des films uniquement pour les marchands de films. Abel Gans, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez manqué votre vie. Vous oui. le pensez vraiment ? Je le pense absolument et je le dis avec tristesse parce que si j'avais su ce que je sais maintenant, si j'avais vu ce que j'ai vu, il est évident que j'aurais pris un chemin beaucoup plus très direct, très opposé à celui que j'ai pris, sans me plier autant que je l'ai fait aux exigences du moment. Je regrette ce que je n'ai pas fait. Je ne suis pas triste pour des succès que j'aurais eus, parce que ça m'est égal. Que vous avez eus. Oui, mais même ceux que j'ai eus, mais ceux que j'aurais pu avoir, ce n'est pas pour cela. Je ne cherchais pas, moi, une notoriété dans le cinéma. Je cherchais à me servir d'un nouveau moyen d'expression humaine qui est indicible, que personne ne comprend bien et que, malheureusement, l'appétit du gain a détourné de sa véritable signification. Or, on arrive à cette chose extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, moi je considère qu'il aurait fallu des salles, on réunit dans un stade 30 000, 40 000, 50 000 personnes, comme on faisait devant les tragédies de Sophocle ou d'Eschyle ou d'Euripide en Grèce. Et maintenant, les cinémas qui avaient 2 000 ou 3 000 places en ont eu 1500, puis 1200, puis 1000, puis 500. On fait maintenant des cinémas de 200 places, pourquoi pas de 10 places. C'est-à-dire qu'on l'a sacrifié à des intérêts que les gens croient commerciaux et qui, pour moi, sont sa mort à brève échéance. Eh bien, le cinéma, dans 10 ans, aura perdu sa clientèle. Quels sont les ennemis du cinéma ? Ce sont les producteurs ? C'est la vue, la vision courte des choses, les éléments immédiats qui frappent l'esprit et le manque d'imagination, de création. Regardez toutes les grandes œuvres qui ont traversé le temps. Ont toutes subi des avatars, souvent des avatars assez nombreux, mais ont perduré. Elles sont remontées comme un bouchon de liège sur l'océan et elles sont toujours vivantes. Qu'il s'agisse d'Homère, ou qu'il s'agisse de Dante, ou qu'il s'agisse de Wagner, ou qu'il s'agisse de Beethoven, tout remonte quand la force créatrice est tellement puissante que le temps n'a pas de prise. Dans le cinéma, il a tellement de prise que plus rien ne résiste. Je veux bien que Céline m'ait écrit un jour « Ne crachez pas sur votre œuvre ». Il restera plus ah bah de vous le toi. Savez ah oui, parce qu'elle est merveilleuse cette phrase. Oui, oui. Et j'ai l'impression que si un jour vous tentiez d'abandonner, même à 80 ans, vous rappelleriez cette phrase de Céline qui vous écrivait « Ne crache surtout pas sur tes œuvres, oui. Il restera plus de toi que de mon gros tambour mortuaire ». Oui, il ajoutait dans 100 ans. dans son temps. Oui, oui. Vous avez oui. toujours été inquiet. Vous vous êtes toujours demandé à Belgans oui. si on retiendrait votre nom. Je vous le dis, non, ne croyez pas ça. Je n'ai pas de vanité à ce sujet. Non, ça n'est pas de la vanité. Non. C'était par rapport à ce que vous avez créé. Non, je voudrais faire une œuvre ou des œuvres. J'ai trois œuvres que je voudrais faire devant moi. Mais à 81 ans, c'est très prétentieux, présomptueux de dire ça. Je ne pense pas du tout à la notoriété. Je trouve que la notoriété, comme disait le père Hugo, c'est de la gloire en gros sous. Ce n'est pas ce qui m'intéresse d'être connu ou pas connu. Ce qui est important pour moi, c'est de laisser une trace de mon passage avec des deux ou trois grandes œuvres puissantes, saisissantes, qui pendant deux, trois, quatre ou cinq générations pourront étonner les hommes. Pensez à Napoléon, là. Ben, c'est Napoléon, oui. Napoléon, je suis en train de... Avec cette vieille mosaïque de 1925 que j'ai faite il y a donc... Je suis en train de le reconstituer, si je peux dire, en le sonorisant et en faisant une œuvre nouvelle, une œuvre d'un Bonaparte contestataire qu'il a été réellement. Alors l'œuvre, par un certain côté, trouve une ouverture sur notre époque tout à fait inattendue et qui, je crois, lui donnera un nouvel essor, une nouvelle valeur publique, internationale. J'ai eu la chance de trouver un garçon qui s'appelle Claude Lelouch. Alors que les autres maisons m'étaient complètement indifférentes. Et Lelouch est parti bravement pour cette... aventure. Cette croisade, plutôt qu'aventure. Cette croisade pour montrer qu'un vieux film, le mot vieux ne correspond pas, mais un ancien film ne vieillit pas quand il a été fait avec la sensibilité ardente de quelqu'un qui ne faisait aucune concession. À Belgans, nous allons reparler de Napoléon et de toute votre œuvre, mais auparavant, je voudrais savoir quel enfant vous avez été. Aujourd'hui, que vous avez passé le cap des 80 ans, vous faites peut-être, parfois, un petit retour en arrière. Le moins possible. J'estime que la vie, pour moi, c'est toute ma vie, m'a servi de tremplin pour ce que je suis aujourd'hui. Je n'attache plus d'importance, je ne regarde pas. D'abord, les yeux des hommes sont devant, ils ne sont pas derrière. Je n'aime pas regarder en arrière. J'oublie très vite tout ce que j'ai fait, ou même ce que j'ai voulu, pour ne pas perdre la direction du regard en avant. Même ma vie privée a subi ces extraordinaires mouvements d'humeur, si je peux dire, qui me font transgresser les lois habituelles de la vie, en ce sens que je ne vis jamais le moment, je vis le moment d'après. Je me dis, mon Dieu, pourquoi le cinéma n'a pas donné quelques extraordinaires leçons qui auraient aidé à mieux voir la vie à la place de celle que nous vivons, que nous sommes obligés de vivre et où nous sommes toujours à deux doigts presque de notre perte à tous. Mais pour écrire la mémoire de l'avenir, il faut quand même, et pour avoir des références, je sais revenir où vous en arrière. Je revenir en arrière, bien sûr, comme je vous disais. Ça d'ailleurs, il faut là. Revenir à Prisme, qui était un essai philosophique. Oui, c'est sûr. Oui, qui a heureusement joué un rôle sur beaucoup de gens qui m'en ont souvent parlé. Et même Céline aussi, qui m'a écrit une très belle phrase sur Prisme, qui m'a dit que Pascal ne lui avait pas fait autant. Oui, les pensées. Oui. Mais, c'est aussi important que les pensées de Pascal. Oui, sa oui, phrase exacte était oui, celle-là. Oui, mais te dire ça, ça me semble vaniteux. C'est peut-être pas la peine que les gens le savent à quoi ça sert. Mais vous me dites, Abel Gans, que vous êtes tourné du côté de l'avenir, mais vous écriviez quand même dans Prisme « Rien ne se perd, rien n'est inutile, la flamme du dedans est celle du dehors », ce qui peut être la flamme d'hier et la flamme de demain. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il faut se servir surtout de ces douleurs. Les véritables marches qui font accéder un artiste à sa personnalité, ce sont les souffrances. Je ne crois pas qu'il y ait de grands artistes qui n'aient pas énormément souffert. Regardez les grands peintres, les grands sculpteurs, les grands écrivains, les grands créateurs, les grands philosophes. Ils ont tous eu des vies extraordinairement difficiles. Angoissés. Et ils ont dû monter ses propres marches. Mais deux choses l'une, ou on recule et on devient Monsieur Tout-le-Monde, ou on continue à monter... On s'éloigne, on devient Nietzsche par exemple, et on s'éloigne, et en s'éloignant, c'est une autre tristesse de ne plus trouver de gens sur son chemin, mais en tout cas, vis-à-vis de soi, on a vaincu et on est arrivé à l'endroit, en mourant à l'endroit qu'on avait projeté d'être. Il y a une autre phrase dans Prisme qui explique un peu ce que vous venez de dire. Un grand penseur pourra rester la bouche clouée toute sa vie, l'impression et la grandeur de son passage ne disparaîtront plus, on n'en parlera pas, mais il aura aidé ceux qui parlent. C'est ça, c'est d'ordre psychique. Je crois beaucoup à tout ce qui est psychique et que les gens ne semblent pas considérer. La physiologie, la psychologie, tout ce qui est dans tous les manuels de l'instruction, de l'éducation, tout ça c'est très bien. Mais le psychisme, qui est la force peut-être la plus extraordinaire que l'homme possède, une force... Il n'est pas plus facile de parler du psychisme qu'il est facile de parler d'un parfum d'une fleur. Essayez de m'expliquer le parfum d'une rose, vous ne pourrez pas le faire. Et pourtant, elle est. Expliquez des côtés de sensibilité que les poètes les plus extraordinaires n'arrivent pas à exprimer. D'ordre psychique, c'est presque impossible. Et cependant, c'est l'armature de fond des créateurs de talent. Sans développer ce côté psychique qui est tellement puissant qu'il n'a presque pas besoin d'extériorisation pour agir, c'est un travail subconscient, souterrain, insolite, qui est un travail de transfiguration, un travail de magie, et quand je dis magie, je dis image. Mais une image n'a de réalité que pour autant que c'est l'esprit qui l'a dictée. Novalis a dit une très jolie phrase. Il dit « Un esprit a été appelé, un esprit apparaît », en parlant de l'image. Mais si vous n'appelez pas l'esprit, il y a l'image, il y en a des millions, des milliards, mais l'esprit n'est jamais appelé. Tandis que si l'esprit est appelé, la même image où l'esprit est appelé y est, et le public la ressent, et il s'en souvient, et elle joue son rôle. Son rôle comme... la 9e symphonie de Beethoven joue son rôle. Mais si l'esprit n'a pas été appelé, l'image a beau être admirable, avec des développements merveilleux de figuration, de poésie, d'image, mais l'esprit n'étant pas appelé, il n'y a plus rien. L'image s'efface. Abel Gance, est-ce que vous avez quand même du goût pour les souvenirs? Est-ce que vous vous rappelez bien vos parents? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un côté, je dirais un côté... un peu privé de la vie qu'on ne ressort pas facilement, surtout quand il y a tellement de tombes qui marquent le chemin. Alors, le moins possible, j'y réfléchis parce que j'ai beaucoup aimé les gens qui m'aimaient et je ne me suis jamais consolé de leur perte, qu'il s'agisse de mes parents, de mes grands-parents... et aussi de mes amis, dont de nombreux sont morts dans la Première Guerre. Et c'est pourquoi je n'aime pas, comme les gens, comme je dirais de Cocteau, parce que c'était un bon ami à moi aussi, je n'aime pas beaucoup réveiller ma mémoire, parce que ces promenades dans le cimetière, on les fait en général une fois par an. Et même moi, je n'y vais pas, parce que j'ai trop de peine. Et je ne me sers des morts, je n'ai même jamais voulu voir Honegger, je n'ai pas voulu le voir à ses derniers moments, Sandrard non plus, Artaud non plus, c'était des grands amis, parce que je ne voulais pas conserver d'eux l'idée de leur visage, ce côté... Ce départ. Ce départ qui les défigurait, j'ai voulu conserver d'eux l'image que j'en avais eue dans leurs grands moments, dans leurs grands instants. Abel Gance, est-ce que vous auriez pu être un grand acteur? Vous n'aviez pas été admis au conservatoire? J'ai été admissible, et puis comme j'étais à la limite d'âge la plus basse, enfin au début, j'avais été admissible, et puis je ne me suis plus présenté après, parce que je me suis mis à écrire, et là c'est là où j'ai écrit cette pièce, La Victoire de Samothrace. Ah, qui a été créée par Sarah Bernhardt. Non, elle devait l'être, et malheureusement Sarah Bernhardt m'a envoyé un télégramme en juillet, 4 jours après, la guerre éclatait, la première guerre éclatait, après on lui a coupé la jambe, elle ne pouvait plus la jouer. Or, je considérais Sarah Bernhardt comme la plus grande artiste. Je croyais qu'il y avait eu un début de représentation. Non, après la pièce a été acceptée aux Français, mais Elle durait 4 heures et demie. Alors on me demandait de supprimer un acte, et j'ai dit comme Cyrano, mon sang se coagule quand il faut y changer une virgule. Et je n'ai donc pas donné suite, et j'ai commencé à faire du cinéma après ça. Abel Gance, nous allons prendre une première pause musicale. Vous avez choisi un ami, Beethoven. Voici le troisième mouvement de la 9e symphonie. Abel Gance, je crois que nous pourrions écouter longtemps encore cette 9e de Beethoven, mais nous allons revenir près de vous. Oui. Il y a cette pensée et qui me paraît importante et qui a dû vous paraître nécessaire. Pour ceux qui ont une mission à remplir, l'existence corporelle se prolonge aussi longtemps qu'il est nécessaire. Je suis persuadé que c'est vrai. D'ailleurs, je n'ai aucune sensation de vieillesse foncièrement. J'ai les petits mots de tout le monde, mais les mêmes mots que j'avais quand j'avais 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. Et j'ai pas l'impression que la maladie ou la mort peuvent s'approcher de vous très, très gravement lorsque vous avez en vous une force supérieure à votre physiologie, si je peux dire. C'est là où le psychisme intervient. Et je ne me sens pas du tout, je peux... Vous courez toujours votre 100 mètres. Je le fais moins parce que ma chienne est malade. Je courais avec ma chienne et elle est malade, mon teckel. Et maintenant, je suis obligé de suivre mon teckel pour la faire marcher, puisqu'elle a une sorte de poliomyélite, là, je suis en train de la guérir. Mais cette mort dont vous parliez, vous la pensez ou vous la dépassez? La quoi, la mort? La mort dont vous parliez tout à l'heure. Je ne veux pas trop savoir ce que c'est. Je n'ai pas résolu le problème, comme personne ne l'a résolu. Mais je m'aperçois que beaucoup la craignent, alors que moi, je ne la crains pas du tout. Du tout, je n'ai aucun souci de ça. Je trouve que c'est la dernière pensée qui me viendra, c'est que je peux mourir. Enfin, vous êtes de ceux qui partiront en règle avec eux-mêmes. Ah oui, ça oui, c'est sûr c'est important, je vous allume. Merci. Et c'est important de s'en aller comme ça, avec un cœur très honnête. Seulement, le regret que j'ai dans la vie, c'est que je ne voudrais pas que les gens que j'aime partent avant moi. Ça, c'est pour moi ma tristesse. Moi, je ne veux pas que ceux que j'aime meurent avant moi. Abel Gans, il y a le passé, mais il y a l'avenir. Oui. Et le passé et l'avenir, dans le fond, sont mis en parallèle, car c'est Napoléon. Oui. À 80 ans, vous avez décidé de repartir, oui, de reprendre la croisade. Oui, oui. Mais il faudrait quand même rappeler, je crois que c'était en 1927, la première fois, la première oui, à l'opéra. Oui, la première à l'opéra avec Général de Gaulle, qui était capitaine alors, à l'époque, et Malraux, qui ne se connaissaient pas, qui se sont trouvés côte à côte, dans les premiers rangs d'orchestre, je crois. C'est Malraux qui m'a raconté ça. Et il m'a dit qu'à la fin du spectacle, alors que toute la salle était debout devant les triptyques, les trois écrans, sur un énorme drapeau tricolore qui faisait 28 mètres de large, c'est-à-dire toute la largeur de la scène de l'opéra, que De Gaulle avait ses grands bras en l'air et que lui aussi était très exalté. Ça m'a fait plaisir tout de même de penser que le hasard... Et ils sont parlé pour la première fois dans cette représentation. À la première de Napoléon en 1927, à l'opéra. Oui, c'est drôle. Abel Gans, il y a donc, vous l'avez dit, ce triptyque, les trois écrans. C'était ça le génie, et c'était ça la Polyvision. C'était le début, c'était le premier balbutiement de Polyvision. Donc vous êtes l'ancêtre du cinérama, car... Le cinérama, vous savez que le cinérama porte mon nom sur son fronton, l'Empire. L'Empire, il y a l'Empire théâtre Abel Gans. Oui, et que j'ai eu la première médaille d'or du cinérama, mais j'ai aussi fait l'invention importante... La perspective sonore. ...qui est la stéréophonie, 10 ans avant la stéréophonie, qui est la même chose, mais mécaniquement, puisqu'à ce moment, il n'y avait pas les moyens magnétiques de le faire. Alors, c'est la même chose, j'avais des haut-parleurs à droite, à gauche, en haut, partout. J'ai eu jusqu'à 28 haut-parleurs dans la grande salle de Paramount, et j'avais la perspective sonore, les voix venaient de tantôt de droite, de gauche... Il faut que le public soit entouré d'une ceinture sonore et que l'écran soit comme un accordéon visuel, tantôt de la grandeur normale, tantôt plus étendu, tantôt énorme, tantôt se subdivisant en 3, 4, 5 compartiments, c'est-à-dire un peu comme cet art nous le permet, n'est-ce pas ? Comme seulement le cinéma nous le permet, avec ce potentiel de force qu'il porte en lui et que nous n'utilisons pas. Nous en sommes encore à la sortie du train de la Ciotat, des Frères Lumière. Le cinéma n'a pas évolué, alors que vous voyez tout qui a évolué énormément. Les avions, regardez les premiers avions, les avions aujourd'hui, même de l'hélice à l'avion actuel, il y a un progrès gigantesque. Le cinéma, il ne bouge pas. Personne ne s'intéresse à l'évolution technique. Moi, j'ai perdu des centaines et des centaines de mille francs, de milliers de francs, avec des brevets qui ont été copiés, repris en Amérique, repris en Allemagne, dans différents pays. J'en ai jamais profité, jamais gagné un centime avec mes inventions. J'en ai fait pas mal dans le cinéma. Eh bien, ces inventions, moi, j'ai encore les idées très importantes pour l'image virtuelle, pour les infrasons, qui sont indispensables dans les grands films de demain, qui auront une puissance d'une extraordinaire, une puissance physiologique sur les spectateurs, mais qu'il est très difficile de doser, parce que sans ça, les gens en deviendraient malades. C'est très, très difficile. Et quand on aura l'image virtuelle, les infrasons, la perspective sonore, c'est-à-dire la stéréophonie complète, et la Polyvision, alors le cinéma commencera à pouvoir être. Je vous écoute, Abel Gans, et je m'aperçois que tout cela, vous l'avez donné au cinéma. Alors oui. Comment se fait-il qu'entre 1927 et 1970, il y ait Napoléon et Napoléon? Eh oui, parce que les gens ne voient pas clair. J'ai une lettre, là. C'est la note qui était affichée à la porte du studio Abel Gans, à Billancourt, en 26. Oui, et vous disiez... J'ai retrouvé ça par hasard, il y a quelques jours. Et vous disiez, il faut, entendez bien le sens profond que je mets dans ces mots, et vous vous adressiez à vos collaborateurs de Napoléon, il faut que ce film nous permette d'entrer définitivement dans le temple des arts par la gigantesque porte de l'histoire. Ouais. C'est-à-dire, pour vous, le cinéma, c'était l'histoire. Oui, oui. Ça n'était pas que ça, non, parce que l'histoire, c'est Pour moi, c'est aussi demain, c'est surtout demain. Donc c'est l'histoire de demain. Et c'est pourquoi j'ai écrit un film important qui s'appelle Exe Homo, qui vise ce qui est sur le point de se produire dans les 10 années qui vont venir, 10 ou 15 années qui vont venir, avec une forme d'écuménisme des mythologies politiques, si je peux dire, et l'écuménisme également des religions. Parce qu'on n'abaissera pas les frontières des peuples tant qu'on n'aura pas abaissé les frontières des religions. Et pour abaisser les frontières des religions, il n'y a que le cinéma qui peut le faire. Mais ce cinéma-là, je prévois. Et ne m'intéresse que ces grands sujets. Mais à quelle porte frapper? Qui est capable d'écouter? Qui est capable de comprendre? Il n'y a pas d'homme. Il y a des petits esprits mesquins, très pondérés, comme on dit en France, n'est-ce pas? Qui a courte vue, qui ne voit que l'intérêt commercial immédiat. Alors que, comme je l'ai dit un jour au général de Gaulle, où j'avais l'honneur de pouvoir lui dire quelques mots, si vous ne donnez pas 7 ou 8 milliards par an à Malraux pour faire un ou deux grands films importants, des films d'esprit épique, qu'ils soient d'hier ou de demain. L'épopée. Oui, épopée aussi bien. Une épopée ne veut pas dire une chose déjà faite, c'est une épopée de demain aussi. Bien sûr. Eh bien, si le cinéma français ne peut pas faire ça, et que les autres pays ne le font pas, le cinéma va végéter pendant encore des années et boiter comme il le fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le cinéma, il cherche avec l'érotisme, il cherche avec 3 revolvers par personne, n'est-ce pas, par tous les moyens de violence et d'excès ou de stratagèmes policiers, à tenir une clientèle qui s'en va de plus en plus, qui s'essaime, qui s'effrite parce qu'elle n'a pas sa nourriture. Il faut donner la nourriture aux gens, aux yeux, il faut les aux appeler. Oreilles. Pour les appeler. Mais on l'a tellement abîmé, ce moyen, qu'aujourd'hui, c'est très difficile de se faire entendre. Je vous dis, j'ai l'impression de parler avec les sourds. Et vous voyez que, heureusement, on m'a dit tellement de bien de vous, M. Chancel, que j'ai décidé de parler avec vous. Mais que de fois, on m'a demandé de parler, d'aller à la télévision, de parler avec d'autres intervieweurs. Je ne me suis jamais décidé parce que les paroles, comme dit ce proverbe arabe, tu es le maître du mot que tu n'as pas dit, le mot que tu as dit est ton maître. Et je n'aime pas que ce que je dis, que je sois prisonnier de ce que je dis. Mais avec quelqu'un dont je sens la sympathie dans les yeux, je n'ai pas le même sentiment. Vous êtes un peu malheureux, Abel Gance, de ne pas avoir été compris par certains, mais je peux vous dire que l'ensemble... Oui. Le sait, c'est oui, ce que vous oui, êtes. Oui, ça me touche parce qu'en fin de compte, ce n'est pas le nombre qui compte. Vous savez, une amitié ou quelques amitiés sont souvent plus importantes que des amitiés de foule qui changent très vite d'opinion, comme disait Stendhal en parlant de Dante. Pendant 10 ans, Dante était exécré en Italie, personne ne voulait entendre son nom, puis brusquement... En 1877, je ne me rappelle plus la date, enfin je dirais une erreur peut-être là, et brusquement, on s'est mis à Dante, et alors il n'y avait plus que lui, on parlait de lui pendant 10 ans. Ce sont des espèces de mascarets, de renommées qui apparaissent de temps en temps, qui disparaissent et qui renaissent. Donc il faut y faire attention, les créateurs ne doivent pas se soucier de ça. Vous souffrez, je crois, Abel Gance, de tous ces projets qui, eux, également sont en souffrance. Ah, oui. C'est-à-dire Christophe Colomb, oui, La Longue Marche, Exe Homo, oui, oui. Peut-être bien Gaston sûr. Phébus. Vous y avez pensé aussi? Non, un peu. Ah, oui, je vais faire ça, mais c'est un peu à côté de moi tout de même. C'était plutôt La Longue Marche, par exemple. La Longue Marche, oui, mais alors... Mao Tse-Tung était d'accord. Oui, j'aurais pu faire, oui. J'ai parlé avec ma Chou en lait longuement de ça. Et les Chinois étaient en principe d'accord, mais d'abord, je ne crois que je n'ai pas suffisamment de force physique dans un pays différent d'une autre, très différent. Me faire entendre par les populations européennes, c'est facile, mais les populations asiatiques, c'est un autre problème. Et puis alors, le climat, qui est très très difficile également. Alors, je n'ai pas voulu continuer, je suis resté en très bon terme avec eux, et surtout, comme je dois le dire à haute voix, et ici, je n'ai jamais fait de politique, je ne veux pas en faire et je ne veux pas être un féodé. La politique ne vous passionne pas, elle ne vous intéresse même pas. C'est-à-dire, ceux qui en font m'intéressent, mais moi-même, je me sens d'abord incapable, et puis je trouve que c'est tellement difficile que je ne sais pas véritablement comment je devrais m'y diriger. Cette longue marche de la Chine, oui. Elle a été arrêtée en fait par la révolution culturelle chinoise. Oui, mais cette révolution culturelle, moi j'étais en Chine avant cette révolution culturelle, j'en ai jamais bien compris le sens. Et même aujourd'hui, ce sont deux mots qui associés éveillent quelque chose dans l'esprit. Mais en réalité, je crois que c'est très différent. Le mot révolution et le mot culturel, pour moi, ce n'est pas exactement le terme. C'est très probablement du fait que, comment dirais-je, il s'est produit en Chine, comme un peu partout ailleurs dans le monde, une espèce de la maladie administrative. Vous savez, une espèce de maladie qui fait que les choses n'ont plus été aussi... n'ont plus marché avec le même enthousiasme. Et les jeunesses qui montaient ont voulu chasser ceux qui commençaient à s'atrophier dans des postes élevés. Et c'est probablement ce mouvement-là qu'on a appelé la révolution culturelle, plus que le mot culturel. C'est-à-dire, pour progresser, il ne faut pas tuer seulement. Oui, il ne faut pas tuer. D'ailleurs, les Chinois ne sont pas des gens... vous savez, ce sont des gens, au fond, très paisibles. Ils ne cherchent pas du tout à envahir, ni à conquérir, contrairement aux idées de Guillaume II, qui disait qu'il voyait l'arrivée de la Chine. Non, ils estiment que les idées de Mao sont très belles, et ils souhaiteraient que les autres peuples puissent les adopter. Mais enfin, ils n'iront pas faire des guerres pour ça. Pierre Pelgans, en oubliant un peu cette longue marche, ce film, vous avez peut-être pensé à la phrase de Kipling qui disait « L'Est et l'Ouest ne se rencontreront jamais ». Je le regrette, mais j'ai bien peur qu'il ait eu raison. J'ai bien peur qu'il ait eu raison. Il y a une telle différence de mentalité, telle différence, que je ne crois pas qu'ils se rencontreront de sitôt. En tout cas, quoique je ne vois pas la mort de demain, je ne crois pas que je verrai, moi, ce que je souhaiterais vivement. Et cependant, comme je disais à Chouanlet, le cinéma est seul capable de faire comprendre ce que les Européens pensent et aux Européens ce que les Chinois pensent d'une façon absolument puissante et démonstrative, c'est-à-dire cette espèce de fusion humaine qui doit se faire, qui ne peut se faire qu'à travers ce nouveau langage et à travers des moyens visuels beaucoup plus perfectionnés que ceux que nous avons aujourd'hui, qui sont des moyens très, très, très... rétrograde, puisque je vous dis, on est encore au train de la Ciotat. Le cinéma, pour moi, ne m'intéresse plus tel qu'il est. Enfin, le cinéma de Godard ne vous passionne pas? Je ne dis pas qu'il est mort, mais enfin, il mourra vite, parce que tout ce qu'on fait, mais moi aussi, tout ce que j'ai fait, ça mourra très vite. C'est pas du tout... on n'a pas les instruments, et le potentiel du cinéma devrait nous donner ces instruments. Il ne nous les donne pas. Alors, on rétrécit les salles, on fait des salles presque des salles de télévision maintenant pour le cinéma. On va à l'opposé du but. Il faudrait des stades énormes, il faudrait 30 000 spectateurs dans les grands spectacles. Vous croyez plus à la puissance de la télévision dans les années qui viennent qu'à celle du cinéma ? Je crois à la puissance de la télévision telle qu'elle est, elle est parfaite déjà. En tout cas, la couleur, je suis stupéfait. Je trouve qu'on fait des choses très jolies à la télévision et que la télévision va prendre encore énormément d'essor, mais ne pourrait pas battre le cinéma grand écran, télévision, images virtuelles, comme je le prévois dans le demi-siècle qui vient et qui alors sera vraiment son apanage. Mais si l'image bat l'écriture, c'est la fin des écrivains ? Non, parce qu'ils écriront pour le cinéma. C'est une transposition. Et comme pour la télévision. Regardez les écrivains, et ils ont dû passer par l'imprimerie pour écrire. Sans l'imprimerie, il n'y aurait pas eu l'imprimerie ou bien les incunables. Enfin, il fallait que des gens transcrivent leurs pensées. Abel Gance, qu'est-ce que vous pensez de ce triptyque Jean Renoir, Charlie Chaplin, Abel Gance ? pourquoi faire. C'est trois noms qui resteront. Trois noms qui resteront. Je le souhaite pour Chaplin et pour Renoir. Je me le souhaite aussi et je serais ravi, bien sûr. Vous pensez bien. Avec Gans, quelles sont les choses qui savent vous émouvoir? En dehors de la jolie femme. La mort d'une fleur. La mort d'une fleur. C'est si vrai que quand j'ai des fleurs chez moi et que je les vois mourir, j'ai de la peine comme si c'était un être humain. C'est curieux. Je soigne des fleurs, les animaux, les enfants, enfin tout ce qui touche à la maladie ou à la mort m'émeut profondément. Parce que je n'aime pas cette idée que nous ne soyons pas tous éternels. Nous le sommes probablement d'une autre façon. La mémoire abolie. Mais malgré tout, le fait qu'il me soit donné de voir souvent... Moi, par exemple, j'aime beaucoup ma femme et elle est malade en ce moment. Eh bien, j'ai une souffrance infinie de la voir malade et d'être obligé de m'inquiéter à son sujet, beaucoup plus qu'elle ne s'inquiète elle-même. Eh bien, il en est de même aussi, je vous dis, de tout ce qui est sensible dans la vie. Je suis très sensible à tout. Sensible d'une façon extraordinairement... qui serait maladif si le mot maladie pouvait me toucher. Mais ça devient presque maladif. Il y a chez vous un grand attendrissement pour le public. Ah oui, moi j'aime beaucoup le peuple. Les gens ordinaires, enfin qu'on appelle ordinaires, si vous regardez un peu de près, on le voit dans la télévision, malheureusement à la télévision, les questions qu'on leur pose pour des propos, pour des raisons très spéciales, très mesquines souvent, empêchent l'homme de dire ce qu'il est ou ce qu'il pourrait dire. On ne leur laisse pas dire ce qu'il pourrait dire. Alors c'est toujours très restreint. Mais moi j'aime beaucoup les foules, je crois qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec une foule qui vous écoute. Tout. Une foule, il en est pour preuve que ce que je faisais dans Napoléon, où j'avais comme figurant les grévistes de chez Renault. Parce que les figurants coûtaient trop cher, les vrais figurants, alors j'avais pris les grévistes de chez Renault. J'en avais là 6 ou 700 qui tous les jours étaient à la porte, qui n'avaient qu'une idée, c'était de rigoler, Eh bien, quand je leur ai... Vous avez lu cette chose-là qui était affichée à la porte. Et quand je leur parlais, et quand je les montais à mon niveau, c'était des gens transformés. Vous les verrez à l'écran encore maintenant, vous serez stupéfaits. Ce sont les gens de la Révolution. Ils ne sont pas de 1927, ils sont de 1792. Tous, dans toutes les figures, partout, que ce soit les plus mal vêtus, les plus pauvres, ils sont tous de 92. Oui, ce que vous dites est très vrai. J'ai l'impression qu'on n'accorde pas assez d'importance aux gens. Ah, pas assez. Et trop pour vedettes. Abel Gans, est-ce qu'en fin de compte, la vie vous aura beaucoup donné? Vous savez, le percepteur m'en a pris une partie. De ce qu'il m'a donné. Mais ça, c'est l'argent. Et vous avez toujours dit, dans ce travail, il ne faudrait pas être cupide. Oui, ça, c'est la vérité. Mais la vie m'a donné beaucoup, moins que je n'espérais, mais elle m'a donné des gens que j'aime, et elle m'a donné l'avenir que j'ai exactement comme je l'avais à peine quand j'avais 25 ans. C'est bizarre d'entendre un homme de 81 ans qui vous dit ça avec sincérité. Je suis sincère. J'ai l'impression, je ne sais pas par quel miracle, que si j'ai la chance de vivre, enfin, 5 ou 6 ans, et que quelques portes d'or s'ouvrent devant moi, ça c'est le plus difficile, ou des portes de l'État aussi, parce qu'en fin de compte, je crois qu'il y a des gens intelligents. Moi, j'estime beaucoup Pompidou. Je crois que c'est un homme qui comprend les choses. Je crois qu'on peut obtenir des résultats du cinéma français dépassant de très loin ce qu'on imagine qu'on peut obtenir. Abel Gans, est-ce que vous êtes sensible aux honneurs? Par exemple, je m'étonne que vous ne soyez pas à l'Académie française. Du tout, surtout pas. Je n'aime pas les honneurs. Vous savez, je suis commandeur de l'ordre du mérite, je suis commandeur de l'ordre des arts et lettres, commandeur dans l'ordre de l'invention. Bon, je ne peux pas refuser des décorations qu'on me les donne, mais je ne les cherche pas, ça ne m'intéresse que très secondairement. L'amitié d'un homme de qualité, pour moi, est plus précieuse. Je crois que c'est l'enthousiasme qui manque le plus aujourd'hui. Lorsque je vous vois de l'avenir. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que les gens manquent d'enthousiasme. Ils vivent pour le lendemain. Ils ne vivent pas pour après-demain, les gens. Est-ce que vous avez choisi votre dernière journée? Est-ce que vous y pensez? Vous voudriez qu'elle soit comment? Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Je crois qu'elle sera souriante, comme un coucher de soleil, vous savez, c'est ça, je voudrais que ce soit paisible. C'est pourquoi je ne redoute pas la mort, parce que, sans être mystique pour autant, je suis catholique de naissance, et j'ai écrit une divine tragédie, peut-être dont vous avez entendu parler, je n'ai pas pu terminer, je regrette, mais je n'ai pas d'appréhension du tout, pas du tout, toute sincérité, je dis ça, hein, vous voyez, sur mes yeux, pas du tout. Je souhaite que ça vienne le plus tard possible à cause du travail que je veux faire, pas pour d'autres raisons. Parce que pour moi, la joie de la vie, c'est de créer pour les pauvres gens.